Josué chapitre 23. Or il arrive à plusieurs jours après, que l'Éternel ayant donné du repos à Israël de tous leurs ennemis à l'environ, Josué était vieux, fort avancé en âge. Et Josué appela tout Israël, ses anciens, et ses chefs, et ses juges, et ses officiers, et leur dit, « Je suis devenu vieux, fort avancé en âge. Vous avez vu aussi tout ce que l'Éternel, votre Dieu a fait à toutes ces nations, à cause de vous, car l'Éternel votre Dieu, est celui qui combat pour vous. Voyez, je vous ai partagé par sort en héritage selon vos tribus, le pays de ces nations qui sont restées, depuis le Jourdain, et le pays de toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Et l'Éternel votre Dieu les chassera de devant vous, et les dépossédera, et vous posséderez leur pays en héritage, comme l'Éternel votre Dieu vous en a parlé. Fortifiez-vous donc de plus en plus, pour garder et faire tout ce qui est écrit au livre de la loi de Moïse, afin que vous ne vous en détourniez ni à droite ni à gauche, et que vous ne vous mêliez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, que vous ne fassiez point mention du nom de leur Dieu, et que vous ne fassiez jurer personne par eux, et que vous ne les serviez point. Et ne vous prosterniez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous avez fait jusqu'à ce jour. C'est pour cela que l'Éternel a dépossédé de devant vous des nations grandes et fortes, et quant à vous, nul n'a subsisté devant vous jusqu'à ce jour. Un seul homme d'entre vous en poursuivra mille, car l'Éternel votre Dieu est celui qui combat pour vous, comme il vous en a parlé. Prenez donc garde soigneusement sur vos âmes, que vous aimiez l'Éternel votre Dieu. Autrement si vous vous en détournez en aucune manière, et que vous vous attachez au reste de ces nations, savoir à ceux qui sont demeurés de rester avec vous, et que vous fassiez alliance avec eux, et que vous vous mêliez avec eux, et eux avec vous, sachez certainement que l'Éternel, votre Dieu ne continuera plus à déposséder ces nations devant vous, mais elles vous seront en piège, et en filet. Et comme un fléau à vos côtés, et comme des épines à vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez de dessus cette bonne terre, que l'Éternel votre Dieu vous a donnée. Or voici, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de toute la terre, et vous connaîtrez dans tout votre cœur, et dans toute votre âme qu'il n'est point tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles, que l'Éternel votre Dieu a dit de vous, tout vous est arrivé, il n'en est pas tombé un seul mot. Et il arrivera que comme toutes les bonnes paroles, que l'Éternel votre Dieu vous avait dites vous sont arrivées, ainsi l'Éternel fera venir sur vous toutes les mauvaises paroles, jusqu'à ce qu'il vous ait exterminé de dessus cette bonne terre, que l'Éternel votre Dieu vous a donnée. Quand vous aurez transgressé l'alliance de l'Éternel votre Dieu, qu'il vous a commandé, et que vous serez allé servir d'autres dieux, et vous serez prosterné devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez incontinent de dessus cette bonne terre qu'il vous a donnée.